خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans l'explication des méfaits de la démocratie, le livre du Cheikh Hassan ibn Qasim, Al-Adilla al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya 'ala al-mujtama'at al-islamiyya. Donc on arrive maintenant au point numéro 3 dans le livre. Le Cheikh il a intitulé ce point-là al-hirs wa al-tanafus 'ala talab al-imara, c'est-à-dire d'avoir de désirer et de compétitionner dans la demande de la dirigeance ou de demander le poste de dirigeant. Et le cheikh il dit وبيان ذلك أن كل مرشح يرشح نفسه للانتخابات فيقوم بتبيين فضائله ومناقبه وصلاحه ومذاهبه ومواهبه، بل قد يصل الحال بالبعض منهم إلى أن يقوم بتسخير وسائل الإعلام إن كان له قدرة على ذلك، بل الأدهى من ذلك أن يصل الحال ببعض الحزبيين من الإسلاميين وغيرهم إلى تسخير منابر الجمعة والمحاضرات في المساجد لنشر فضائل ومواهب حزبه، وفي المقابل من ذلك يعمل إلى غريمه السياسي في الحزب المناوئي في الحزب المناوي له، فيقوم بإبراز مواطن الخور والضعف فيه، بل يصل الأمر إلى إلساق التهم المكذوبة عليه حتى ينفر عنه الناخبين ويكسب هو وحزبه ثقتهم. وفي هذا العمل ما يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من التحذير من طلب الإمارة وتزكية النفس والكذب والافتراء على الآخرين. فمن تلكم الأدلة ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، واللفظ لمسلم. Donc on va expliquer ce passage là d'introduction que le cheikh a mentionné ici, et on va voir un peu le principe islamique par rapport à ce qui a rapport au fait de demander à quelqu'un de demander de la dirigeance d'un poste, d'avoir une position d'autorité ou d'avoir un poste clé ou une position de responsabilité dans une société quelconque. De demander ça, c'est pas quelque chose qui est permis dans l'islam, c'est pas quelque chose qui fait partie de la sunna, hein, c'est contraire à l'islam de faire ça. Pourtant, c'est ça le fondement, un des principes de la démocratie et des élections, c'est que chaque personne se présente comme représentant du parti ou même yani se présente comme étant apte à être président ou à être dirigeant et des choses de ce genre. Et donc ça c'est obligatoire, c'est-à-dire dans la démocratie, il faut absolument que ça passe par ce moyen-là pour se faire connaître. Et le cheikh il explique que chaque candidat aux élections, eh ben, il doit commencer à se vendre et se vanter. Hein. C'est aussi la même chose quand tu vas demander un emploi ou un poste dans une compagnie. Tu dois commencer à te vanter toi-même et commencer à te vendre et commencer à montrer tes qualités, montrer tes achievements en français, on dit les choses que tu as accomplies, hein, tes accomplissements, à montrer tes points forts, tes dons, et, ou bien tout ce que tu possèdes comme diplôme, ou comme études, ou comme travail, ou comme expérience. Donc, Annie, ça arrive à un tel point que parfois certains vont utiliser même les médias, les moyens nécessaires pour arriver à se faire connaître le plus possible par la télé, par la radio, il va à des émissions de radio, des émissions de télé, il va par exemple rencontrer les gens dans la rue ou aller même parfois frapper porte à porte, ça se passe ici, mais dans les pays musulmans, vous trouvez ça aussi des choses semblables à ça également. Et le cheikh il dit que certains gens qui font partie des partis islamistes, ils vont même utiliser les chefs de la Jumu'ah, hein, le membre de la mosquée, pour faire des conférences ou bien pour parler aux gens et se présenter aux musulmans dans la mosquée, soi-disant pour dire voici, je suis un tel, le musulman, et je suis candidat dans tel parti et je viens pour me présenter à vous, pour vous dire voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai accompli, voici ce que je possède comme diplôme, voici ce que j'ai fait comme travail, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça, hein, j'ai un doctorat en ça, j'ai une maîtrise en ça, j'ai un PhD en ça, j'ai étudié en ça, j'ai travaillé comme ça, j'étais avocat, j'étais ingénieur, j'étais docteur, j'étais médecin, hein, et ainsi de suite. Et donc, ils vont utiliser tout ça pour essayer de se vanter eux-mêmes et de vanter leur parti. Hein. Et par contre, en opposition, parfois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ceux qui sont contre eux dans les élections, par exemple, ceux qui sont dans le parti opposé, ben là, ils vont commencer à les critiquer, à les salir, à dire des choses contre eux qui sont vraies ou fausses, hein, commencer à montrer leurs défauts, leurs faiblesses, leurs points faibles, leurs manquements, les choses qu'ils n'ont pas fait, les paroles qu'ils n'ont pas gardées, les paroles qu'ils n'ont pas respectées, les mensonges qu'ils ont dit ou des choses de ce genre. Hein. On dit ah tel parti nous ont promis telle chose, ils n'ont pas fait, ils nous avaient dit ça, ils n'ont pas fait, ils avaient dit ça, ainsi de suite. Celui-là il a ci, celui-là il a ça. Donc tout ça c'est des exemples. Pourquoi il fait ça? Pour faire en sorte que les gens s'enfuient de voter pour les autres partis et il essaie de ramasser le plus de votes et de confiance pour lui-même, pour que les gens votent pour lui. Et le cheikh il dit dans tout ce qu'on a décrit là, tout ça c'est contraire à la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il nous a averti contre le fait de demander un poste de dirigeance ou un poste de responsabilité, hein. Et il nous a averti également contre le fait de se purifier soi-même ou de se vanter soi-même ou de mentir et d'inventer des mensonges sur les autres. Tout ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Et il mentionne un hadith en premier qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et par d'autres également. Selon Abu Musa al-Ash'ari, il dit « Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi et deux hommes parmi les fils de mon oncle. » Et un d'entre eux a dit, un des deux fils de mon oncle, on dit « Ô messager d'Allah, donne-moi une position de responsabilité ou d'autorité parmi les choses que Allah t'a donné comme autorité, hein, parmi les positions ou les choses que Allah t'a donné, donne-nous une position de responsabilité par rapport à une de ces choses-là. » Et l'autre homme a demandé la même chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu à tous deux en disant, moi, il dit, nous, par Allah, on ne donne pas à quelqu'un une position d'autorité pour un travail quelconque à quiconque nous le demande. On ne donne pas une position de responsabilité à quiconque dans un travail alors que c'est lui qui nous le demande, hein, et non plus à quiconque le désire ou le recherche. Hein. Donc, quiconque le demande, ou quiconque fait une effort ou essaie de se précipiter vers une position de responsabilité et d'autorité, on ne lui donne pas. D'accord? Al-lafdu les muslims. Hein? En principe, dans l'islam, c'est pas à celui qui veut la position auquel on le donne, c'est à celui qui ne la veut pas, celui qui trouve que, au contraire, c'est trop difficile ou c'est une responsabilité, que c'est lourd, il s'en éloigne, il cherche à ne pas justement être dans cette position-là parce qu'il craint le poids de cette charge, la responsabilité de cette charge, parce qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de cette position-là, donc il cherche à s'en éloigner. C'est à lui qu'on donne la responsabilité dans l'islam. Pas à celui qui le cherche, qui le désire et qui le veut. Ensuite, il mentionne un autre hadith. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. Ça c'est un hadith également rapporté par البخاري مسلم. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, selon Abi Huraira, il dit que vous allez essayer d'avoir des positions d'autorité, hein, et ça va être pour vous une source de remords au jour de la résurrection. Hein. Ceux d'entre vous qui allez essayer d'atteindre ces positions-là, et d'avoir la position d'amir, ou d'être dirigeant, ou d'être responsable, au jugement dernier, vous allez trouver ça, que ça va être une source de remords et de regrets pour vous. Après, il dit le chef, وأخرج البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فالحديث رابورتي بها البخاري selon عبد الرحمن بن سامورة il dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم m'a dit oh عبد الرحمن بن سامورة ne demande pas la position d'autorité, ne demande pas l'imara, ne demande pas la position dans laquelle tu seras en position de chef ou d'autorité, de chef ou de dirigeant. Parce que si on te la donne sans que tu la demandes, hein, si tu la demandes et qu'on te la donne parce que tu l'as demandé, eh ben tu seras laissé à cette position-là, hein, et tu en seras garant. C'est-à-dire c'est toi qui vas avoir à en répondre. Tandis que si on te la donne sans que tu la demandes, tu seras aidé, supporté dans cette position-là. Naam. Tu seras aidé et supporté dans cette position-là. Wa alaykum salam. Puis ensuite, il y a le reste du hadith qui parle du fait que si tu as fait un serment, hein, pour de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu trouves quelque chose de mieux que ce serment-là, alors brise ce serment et fais qu'est-ce qui est mieux. Ça c'est la suite du hadith. Et kafir an yaminik, ça veut dire fais l'acte d'expiation pour réparer justement ce serment que tu as brisé parce que tu as trouvé quelque chose de meilleur. Comme par exemple, jeûner 3 jours ou bien nourrir des pauvres, etc. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحزب ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه فمن يكن ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة ولا يخفى ما في ذلك من الفضل. Le cheikh, il explique, le cheikh Al-Hafiz ibn Hajar, il explique ce hadith et il dit que celui qui demande la dirigeance ou la position d'autorité ou de responsabilité, c'est-à-dire il ne sera pas aidé. Turkat i'anatuhu 'alayha, à cause du fait qu'il a un désir, qu'il se précipite vers cette position-là, il ne sera pas supporté, il ne sera pas aidé là-dedans. Et on peut prendre aussi, à partir de ce hadith-là, on peut comprendre que tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qui a rapport avec le fait de juger, une position dans laquelle tu seras juge, ou une position dans laquelle tu seras maire, ou dirigeant, ou juge, ou tu auras à, par exemple, ordonner le bien, interdire le mal, ou des choses de ce genre, al-hizba, bon, toutes ces choses-là, de demander la position dans ces choses-là, c'est quelque chose de détestable, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose qui est makruh. Après, le cheikh il dit que celui qui se précipite vers cette position-là ne sera pas aidé là-dedans. Et on sait très bien que tout ce qui a rapport avec la dirigeance et les positions d'autorité et de responsabilité sont toujours reliées à des difficultés, sont toujours reliées à des choses lourdes et difficiles. Donc, celui qui n'est pas aidé dans cette chose-là par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'il aura des problèmes et que ce sera une source de perdition pour lui, dans sa dunya et dans sa vie après la mort. Donc c'est certain, donc le chef il dit que quiconque a un minimum de raison, il ne va pas se placer dans une position où il va demander cette chose-là, déjà en partant. Il ne va pas même essayer de chercher à se mettre dans cette position-là et encore moins de demander aux gens de le mettre dans cette position-là. Donc, le cheikh il dit, donc, si c'est une personne qui est vraiment méritant et qui est apte et qui a les qualités nécessaires, on va lui demander, on va lui donner sans même qu'il la demande. Et dans ce cas-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a promis, et c'est lui qui est véridique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il sera supporté et aidé dans cette situation-là, et il n'y a pas de doute que, et tout le monde peut comprendre, la irfa, c'est pas quelque chose de caché ou de secret qu'il y a dans ça un grand mérite, du fait qu'on te l'offre cette position-là et que toi tu ne la demandes pas. لشيخ إذ قلت فليتأمل هذا جيدا عقلاء المراهقين السياسيين لينتصحوا بنصيحة هذا العالم الجهبذ، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا. Donc le cheikh il dit, prenez donc que ceux qui sont parmi les ceux qui ont la raison parmi, wa alaykum salam wa rahmatullah, parmi les politiciens qui cherchent le pouvoir, et bien qu'ils prennent cette nasiha de ce grand savant Ibn Hajar al-Asqalani, que quiconque a un minimum de raison, il ne se met pas dans cette position-là ou dans cette situation-là où il va demander en partant d'avoir l'autorité ou la responsabilité. Et Cheikh Al-Fawzan, dans un dars qu'il donnait, dans un dars de, je pense, l'explication de Bulugh al-Maram ou l'explication de Umdatul Ahkam, il parlait justement du fait que les jeunes qui cherchent des postes et du travail, eh bien, il faisait un lien avec ce hadith-là en parlant justement du fait de chercher un poste dans une compagnie. Il dit que les jeunes maintenant, ou les gens qui vont se présenter dans des compagnies pour travailler, ils cherchent parfois un wazif, c'est-à-dire un poste dans une fonction, dans le gouvernement ou autre, et ça fait partie de ça également, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans des fonctions gouvernementales ou des trucs de ce genre, et il dit que le fait même de le demander, c'est de se mettre dans ce genre de situation-là, et donc celui qui le demande ne sera pas aidé. Mais tandis que si on te l'offre le poste sans que tu le demandes, parce que tu as les qualités nécessaires, ben c'est sûr que dans ce cas-là tu seras aidé là-dedans. Puis donc ça c'est un exemple. Le cheikh dit wa rawa al-imam Muslim min hadith Abi Dharr. Donc on voit dans les hadiths qu'on a mentionnés que qu'est-ce qui se passe dans les élections, c'est le contraire de ça. le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de demander, ou il nous avertit contre le fait de demander la position d'autorité et de responsabilité, tandis que dans les élections c'est le contraire. La personne elle se présente elle-même et elle demande qu'on la mette dans cette position-là. Hein, et c'est basé là-dessus les élections. Donc déjà on voit que ça fait partie des contradictions avec l'exemple de l'islam qui nous avertit justement contre le fait de faire une chose pareille. Après le cheikh il dit وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans le chapitre le fait de détester ou que c'est détestable de demander la position d'autorité quand il n'y a aucune nécessité de le faire. Et c'est rapporté par Abu Dharr radiallahu anhu. Il dit, j'ai dit au messager d'Allah, pourquoi tu ne me fais pas travailler ou tu ne m'utilises pas dans un poste de responsabilité quelconque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a frappé sur l'épaule et lui a dit, ô Abu Dharr, tu es ya Abu Dharr, innaka da'if, wa innaha amana, ô Abu Dharr, tu es une personne faible. Et c'est une amana, c'est un dépôt, c'est un gage, c'est quelque chose qui, tu auras des comptes à rendre à ce sujet-là. Et au jour de la résurrection, ce sera une humiliation et un regret, ou un remords, source de remords. Alors, c'est en vous l'avez, alors ne demande pas une chose pareille. Excepté pour celui qui l'apprend par son droit et qui donne ce qu'il doit donner, ce qui donne la responsabilité qu'il doit donner et qui remplit son devoir comme il faut dans cette position-là. Pour lui, bien sûr, ce ne sera pas une source de regret et de remords. قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات ولا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. أما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث السبعة يظلهم الله. والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. Regardez l'explication de l'imam al-Nawawi, mashallah, il dit que ce hadith-là, c'est un des grands fondements sur le fait qu'on doit s'écarter de toutes les positions de responsabilité. Et en particulier pour celui qui a une faiblesse en lui-même et qui risque d'avoir des manquements dans le fait de remplir ses devoirs et ses obligations dans cette position-là. Et en ce qui concerne le fait que ce soit une source d'humiliation et de regret et de remords, ça c'est dans le cas de la personne qui n'est pas la personne apte ou qui n'a pas les qualités nécessaires. Si la personne, par contre, a les qualités nécessaires, mais qu'elle n'a pas été juste également, ça aussi ce sera une humiliation pour lui au jour de la résurrection. Parce que là, elle est peut-être apte, mais elle n'est pas juste. Hein? Donc, elle sera humiliée au jugement dernier et Allah subhanahu wa ta'ala va le, disons, démasquer devant tout le monde, va l'humilier devant tout le monde et il va donc regretter par rapport à tout ce qu'il a eu comme manquement dans cette position-là. En ce qui concerne celui qui était apte à le faire et qui est juste, dans cette position d'autorité-là, de responsabilité-là, alors il n'y a pas de doute que pour lui il y a un grand mérite, hein, et il y a des hadiths authentiques nombreux au sujet de, du mérite de la personne qui a eu une position d'autorité et de responsabilité et qui a rempli sa tâche et qui a fait ce qu'il devait faire. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne qu'il y aura 7 personnes qui seront couvertes de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y a pas d'ombre excepté son ombre. Et le premier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ces 7 personnes, c'est un imam qui est juste, un dirigeant qui est juste. Et il mentionne également le hadith qu'on a mentionné qui dit qu'à la fin, justement, excepté pour celui qui l'aura pris et qui aura respecté le devoir qu'il a à respecter dans cette position-là. Et il y a également un autre hadith qui mentionne que les gens qui ont été justes, ils seront assis au jugement dernier sur des chaises de lumière, et ainsi de suite. Et il y a également le consensus des musulmans qui a été établi sur le fait que celui qui a été juste dans sa position, dans la position de responsabilité et d'autorité, il sera récompensé et que c'est une honneur et un mérite pour lui. Toutefois, malgré tout ça, il y a bien entendu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, un grand danger dans le fait d'accepter cette position-là, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de cette situation-là, et il a averti, et les ulama également ont averti contre le fait de demander ou de chercher à avoir cette position-là, même qu'il y a des grands savants de l'islam qui ont même refusé des positions d'autorité quand on leur a offert ces positions-là. Hein? Il y a beaucoup d'entre les ulama, parmi les salafs, hein, et même certains sahaba parfois, qui ont refusé des positions d'autorité et de responsabilité lorsqu'on leur a demandé de les prendre, hein, parce qu'ils savaient que c'était une fitna et que c'était lourd et que c'était dangereux. Donc ils ont refusé, et à cause du fait qu'ils ont refusé, parfois ils ont dû subir des difficultés, des épreuves et des punitions, des fois des châtiments, hein, par rapport à ça. Comme par exemple, si je me souviens bien, l'imam Malik, rahimahullah, qui a refusé d'être juge à une certaine époque, hein, ou bien que son livre Al-Muwatta soit utilisé comme référence dans l'empire musulman à l'époque, ou dans le pays musulman à l'époque. Si je ne me trompe pas, donc il a refusé de ça, et à cause de ça, il a été puni. Hein? Il a eu à subir beaucoup de difficultés à cause de ça. Donc c'est des exemples. قال الحافظ ابن حجر قال المهلب الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت ويندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. Il dit que le fait de se précipiter, de désirer la position d'autorité et de dirigeance et de responsabilité, c'est une des causes dans les guerres, les combats qui se passent entre les gens, et le fait que le sang est répandu, hein, et que les gens se permettent de prendre les biens et se permettent également le haram, parfois dans ce qui a rapport avec les rapports avec les femmes et des trucs de ce genre, à cause du fait que ça crée du désordre social, hein. Et le cheikh il dit que ça amène beaucoup de désordre sur la terre, et donc la personne qui se précipite ou cherche cette position là et eh ben ça risque de créer en lui certains remords du fait qu'il risque d'être tué par la suite à cause de ça, ou bien il risque d'être enlevé de ses fonctions, ou bien quelqu'un lui fait un coup d'état, des trucs de ce genre, hein. Ou bien il meurt, et il ce sera une source de remords pour lui d'avoir même cherché à atteindre cette position-là, et toutes les difficultés et les péchés qu'il a dû, ou les choses mauvaises qu'il a dû faire ou subir pour arriver à cette position-là, puis à la fin il n'a même pas pu avoir ce qu'il a voulu, hein, ce qu'il cherchait, et il a été séparé de cette chose-là. Donc le cheikh il donne l'exemple, et on voit actuellement il y a des, dans certains pays quand il y a des élections, on voit des exemples de ça clairement. Hein, quand il y a les élections, il y a des gens qui meurent, il y a des manifestations, il y a des gens qui se tuent, il y a des meurtres, il y a des toutes sortes d'injustices qui se produisent, des corruptions, des désordres dans le pays. Tout ça à cause du fait qu'il y a certains qui courent et qui se précipitent vers la position d'autorité. Hein. Et quand on voit ça, des fois, tu lis dans les journaux, dans tel pays, il y a eu des élections qui ont causé 300 morts ou 2000 morts ou des milliers de morts des fois dans certains pays. Ça dépend des pays, ça dépend des régions et tout. Mais c'est pour dire que tout ça c'est la cause du fait que les gens cherchent à atteindre la position d'autorité d'une façon qui n'est pas permise dans l'islam. Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ تَعِيَّنَ عَلَيْهِ كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. قلت أي ابن حجر وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير الطلب بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه. لشيخ الزي ابن حجر peut-être qu'on peut compter comme certaines exceptions, hein. C'est dans le cas dans certaines situations, il y a des cas peut-être qui sont des exceptions, où quelqu'un doit prendre la position de dirigeant, si par exemple, dans le cas où il y a un dirigeant qui va mourir, qui est vieux, qui va mourir, et quelqu'un, donc, il y a personne qui peut prendre la position après lui, donc, dans des cas comme ça, ça peut être nécessaire pour quelqu'un de prendre le pouvoir, si ça ne va pas créer de désordre du fait que cette personne-là le fasse. Et il mentionne également, le cheikh il dit que Ibn Hajar il dit, il n'y a pas de contradiction, وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فُرِضَ فِي الْحَدِيثَ الَّذِي قَبْلَهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ إِنَّكُمْ سَتُحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ. Il dit qu'il n'y a pas de contradiction avec le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, que vous allez vous précipiter vers le fait que vous allez être dirigeant et ce sera une source de remords pour vous. Du fait que quelqu'un l'ait cherché ou ne l'ait pas cherché, parce que quand on parle du fait que quelqu'un désire la position de dirigeance ou qu'il se précipite vers cette position-là, ça c'est dans le cas où la personne veut vraiment faire tout pour arriver à prendre cette position-là. Mais dans les situations où la personne il ne désire pas vraiment la voix, mais étant donné que la personne craint que s'il ne prend pas la position, il risque d'y avoir une situation où il n'y aura personne qui va être au pouvoir et ça va créer par exemple le chaos, que ça va créer des problèmes, plus que s'il ne prend pas le pouvoir. Donc dans ce cas-là, il le prend et c'est une exception dans le fait que il n'a pas vraiment demandé. Il n'a pas vraiment demandé non plus, parce qu'il le fait parce que c'est comme si en réalité il n'a pas le choix. C'est presque parfois même obligatoire pour lui, dans des situations comme ça, de prendre le pouvoir parce que justement, pour éviter que ça crée plus de désordre. Hein. Et puis c'est comme dans des situations où par exemple, après si un dirigeant n'avait pas désigné personne pour être son successeur après lui, puis qu'il n'y a personne maintenant qui est au pouvoir après sa mort, ben là c'est nécessaire pour que quelqu'un soit choisi, et s'il n'y a personne qui est choisi, ben là dans le cas pareil, ben il faut que quelqu'un prenne le pouvoir pour qu'il n'y ait pas de division dans la Ummah. Le Cheikh dit, وَرَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقَلِ بْنُ يَسَارَ الْمُزَنِي قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة ولفظ البخاري ولفظ مسلم من ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Ça, c'est les deux hadiths que le Cheikh a mentionné. Le premier hadith, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, et l'autre, c'est aussi rapporté par Al-Bukhari. Toutefois, c'est une différente version de ce même hadith. C'est rapporté selon Ma'qal ibn Yassar al-Muzani, radiallahu anhu. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, il n'y a pas un serviteur d'Allah auquel Allah lui donne une position de responsabilité et qu'il ne l'a pas rempli de façon sincère, qu'il ne l'a pas pris cette position-là de façon sincère, excepté qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et dans l'autre narration de l'imam muslim, il dit, il n'y a pas un serviteur parmi les serviteurs d'Allah à qui Allah lui donne une position de responsabilité, hein, et qu'il meurt le jour où il meurt alors qu'il a trahi ou qu'il a triché, hein, envers les gens sur qui Allah lui a donné cette responsabilité-là, excepté que Allah lui interdit le paradis. Excepté que Allah va lui interdire le paradis. Donc ça nous montre en réalité le danger du fait d'être dans une position d'autorité ou d'une position de responsabilité et de ne pas remplir notre devoir de façon correcte. Qu'on risque à cause de ça, d'être privé de rentrer au paradis. Et le cheikh dit, وقال القاضي عياض رحمه الله معناه بين معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم. Le cheikh mentionne par l'imam القاضي عياض qui dit que la signification du hadith elle est claire, c'est d'avertir toute personne qui tromperait les musulmans ou qui tricherait les musulmans dans quelque chose ou dans une position d'autorité qu'il a reçue ou dans une position de responsabilité dans laquelle il est, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis, et qu'il ne travaille pas pour leur intérêt, pour leur bien, que ce soit dans leur intérêt pour leur religion ou dans leur intérêt pour leur dunya. D'accord? Donc ça montre que c'est une grande responsabilité à ce sujet-là. Et le cheikh, il mentionne par la suite, le cheikh Hassan ibn Qasim, il mentionne certaines critiques qu'il fait envers certains islamistes. Et je ne vais pas le lire parce que c'est pas relié directement au sujet. Donc je vais passer dessus, mais je vais juste expliquer qu'est-ce qu'il dit en général par rapport au fait de celui qui a une position d'autorité qui respecte pas son devoir, il respecte pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il mentionne le fait qu'il y a des gens qui ont été élus parmi les islamistes qui sont rentrés dans les partis qui ont été élus puis qui sont rentrés au parlement puis tout. Une fois qu'ils sont rentrés au Parlement, ils n'ont rien fait. Hein? Donc le chef, il leur dit, où est-ce qu'il est la da'wah au tawhid? Une fois que vous êtes rentrés, vous prétendez que vous êtes rentrés là-bas pour amener du bien, pour ordonner le bien, pour interdire le mal, pour appeler le tawhid, pour combattre les bid'ahs, hein, et toutes ces choses-là. Une fois que vous êtes rentrés, on n'a rien vu. Donc vous avez trahi votre position. Et il dit que même que vous avez même donné des problèmes, même aux musulmans, et en particulier aux salafis, parce que vous leur fermez les mosquées, vous les empêchez de donner des douros, etc. Donc, où est-ce qu'elle est également votre respect des ulamas et des gens qui appellent au manhaj des salafs, hein? Est-ce que vous avez créé Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des jeunes, hein? Est-ce que vous avez créé Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait que, par exemple, vous leur avez pas fourni des références correct pour qu'ils apprennent leur religion? Il dit, au lieu de les ramener au Coran et à la Sunna et à la voie des salaf salih et à la voie des ulama qui suivent cette voie-là, vous les amenez à lire les livres des du'at des ikhwan comme Hassan al-Banna, Fathi Yakan, Sayyid Qutb, al-Ghazali, al-Qardawi, Muhammad Surur, Muhammad al-Abdah, Turabi, Saïd Hawa, al-Tilmisani, et il mentionne d'autres noms comme ça des gens de cette tendance des ikhwan, et il dit que c'est des livres qui sont remplis d'égarements et de déviations dans l'aqidah et qui sont en contradiction avec la voie des salaf salih. Et il mentionne les paroles de l'imam Abdul Qayyim al-Jawziya par la suite qui dit que كل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها وعلى الأمة وما على الأمة أضر منها وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة وأيضا قال قبل ذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها donc le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim il a mentionné au sujet des livres d'égarement, il dit que tous ces livres qui sont en contraire avec la sunna ne sont pas permis, et qu'est-ce qui est ordonné à ce sujet-là et qu'est-ce qui est permis à ce sujet-là, c'est de les brûler, de les détruire, ces livres-là. Parce qu'il n'y a rien de plus nuisible pour la Ummah que ces livres d'égarement. Hein. Et il dit que les Sahaba ont brûlé tous les copies des Mus'haf qui étaient en contradiction avec le Mus'haf de Othman. Pour éviter, parce qu'ils ont eu peur que la Ummah se divise. Alors qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui les Sahaba s'ils voyaient ces livres-là aujourd'hui qui sont répandus dans la Ummah et qui sont remplis de fausseté et de contradictions avec la Sunna et avec l'Islam et qui divisent la Ummah. Hein, ils les auraient brûlés encore plus. Et ça c'est mentionné dans At-Turq al-Hukmiyya. Et après il dit, juste avant ça, la domane fi tahriq al-kutub al-mudilla wa itlafiha. C'est-à-dire, la domane, il n'y a pas de, c'est-à-dire que si tu brûles un livre d'égarement ou tu le détruis, ben t'as pas une compensation à payer à la personne à qui le livre appartient. Tu comprends? L'abandon, c'est ça que ça veut dire dans l'islam. Donc si par exemple tu trouverais des livres de bid'a, tu les brûlerais, je parle bien entendu dans un pays musulman, et que tu trouverais dans un pays musulman qui juge selon la loi islamique et qui, bien entendu, c'est un cas spécifique, là on parle d'un cas où quelqu'un trouverait un livre d'égarement et qu'il le brûlerait et que son propriétaire l'amènerait en cour devant un juge musulman qui juge selon l'islam pour lui demander par exemple de rembourser son livre. Si la personne disait voici c'était tel ou tel livre et dans tel ou tel livre il y avait telle croyance qui était une croyance de shirk ou de kufr ou de bid'a ou telle aqida ou telle chose qui est contraire à l'islam et que le juge vérifie ça et qu'il voit que c'est vrai, eh bien entendu, la personne qui a brûlé le livre n'aurait rien à rembourser, rien à payer à cette personne-là. De même que, par exemple, quelqu'un qui aurait détruit un instrument de musique ou quelque chose qui est haram, hein, et que la personne, le propriétaire, demanderait à cette personne-là de lui rembourser, il n'aurait rien à payer. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui aurait brisé des bouteilles d'alcool ou des trucs qui ont rapport avec des choses de ce genre. Il n'aura rien à rembourser au propriétaire de ces choses-là parce que c'est haram en partant. Mais ça, bien entendu, c'est pas quelque chose qui est permis de faire pour un musulman si ça va créer de la fitna et plus de mal que le mal qu'il fait interdire. Et en plus, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une autorité qui peut faire cette chose-là. Si supposons qu'un musulman qui n'a pas d'autorité qui fait une chose pareille, là, c'est risqué dans ce cas-là. C'est risqué parce qu'il risque de faire de la fitna. Et donc, c'est préférable pour lui de ne pas rentrer dans ces choses-là. Mais si jamais ça arrivait et qu'il aurait à passer devant le juge, c'est pas lui qui serait dans le tort dans une chose pareille, dans le sens qu'il n'aurait pas à rembourser au propriétaire de ce livre-là pour l'avoir fait. Donc, ça, c'est des exemples qui montrent que ces gens-là qui se présentent dans ces élections-là et qui rentrent dans le Parlement, une fois qu'ils sont rentrés, ils font rien pour l'islam, ils font rien pour les musulmans. même si au début et en partant ils disaient on va faire ça, on va faire ça, on va aider ça, on va aider les musulmans, en réalité ils ne font rien par la suite, hein. Ils font rien pour la da'wah, rien pour le tawhid, rien pour la sunnah, et au contraire même on les voit qui s'allient avec les gens qui sont contre la sunnah. Après le cheikh il dit ok, il mentionne ces choses-là. Ensuite, il dit, قلت ومما يولد مما يولد الحرص على إمارة على الإمارة الحسد والتجسس وسوء الظن بالآخرين والكذب وقد نهى الشارع الحكيم عن هذه الأمور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. اللفظ لمسلم. قال النووي قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا قيل هما بمعنى واحد وهو معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. وقوله ولا تنافسوا ولا تحاسدوا قد قدمنا إلى أن الحسد تمني زوال النعمة، أما المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به. وقيل معناه الحديث التباري في الدنيا وأسبابها وحظوظها. Donc le chef il mentionne que parmi les choses qui sont amenées du fait que quelqu'un cherche à avoir la position d'autorité, c'est que ça amène la jalousie, ça amène at-tajassus, le fait que les gens s'espionnent les uns les autres, le fait que les gens pensent du mal les uns des autres, ça amène le mensonge également. Et toutes ces choses-là sont des choses qui sont interdites par la charia. Et le cheikh il mentionne un verset dans Surat Al-Hujurat, et ce verset-là qui dit « Oh les croyants, oh vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, parce que certaines suspicions sont un péché, et ne vous espionnez pas et ne parlez pas les uns dans le dos des autres. » Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous détesterez une chose pareille, alors craignez Allah, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Hein? Et donc ça nous montre que d'éviter de penser, d'avoir des fausses suspicions envers les gens, de penser du mal, de les espionner, hein? Comme ceux par exemple qui rentrent avec des caméras cachées dans les mosquées, puis qui les espionnent, hein? Et qui disent qu'ils sont musulmans, Allah nous ta'ala. Ou bien des gens qui ils parlent dans le dos de leur père et qui disent des mensonges contre eux. Tout ça c'est des choses qui sont haram dans l'islam. Et le cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté dans As-Sahihain, selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit « Iyyakum waz-zann » prenez garde aux fausses suspicions que vous pouvez avoir contre les gens. Et parce qu'il dit que la suspicion que vous pouvez avoir contre les gens qui n'est pas supporté par aucune référence, aucune preuve, c'est le plus mensonger des la plus mensongère des paroles. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala tahassassou. Wala tahassassou wala tajassassou. C'est-à-dire, n'espionnez pas les gens. Puis j'écoutais aujourd'hui une cassette du Cheikh Yahya Al-Hajouri. Il a écrit, il a fait dans la cassette un cours dans lequel il donne une nasiha aux gens qui espionnent les musulmans et aux journalistes. Donc, ils donnent une nasiha à ces gens-là, en particulier les musulmans parmi ces gens-là qui espionnent les musulmans. Et puis après, qui vont faire des reportages sur les musulmans et après qui vont mettre ça à la télévision pour soi-disant salir l'image des musulmans, puis montrer des choses fausses contre les musulmans, parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est comme le cheikh il disait, ils font comme les magiciens, ils font comme les djinns, les shayatins, qui vont écouter des informations dans le ciel, parmi les informations qui sont transmises entre les anges, ils volent ces informations-là, et puis après, ils vont le transmettre aux sorciers, et le sorcier, il le mélange avec une centaine de mensonges. Donc, eux, les journalistes aujourd'hui, puis les espions, sont un peu comme ces gens-là. Ils écoutent les informations chez les musulmans, et ils le prennent et ils le mélangent avec une centaine de mensonges, et puis après, ils vont les diffuser aux gens, et ils leur mentent, et ils leur disent des mensonges, comme les sorciers, comme les menteurs, comme les gens qui disent la bonne aventure et des trucs de ce genre. Donc ça, c'est interdit pour les musulmans de s'espionner entre eux, puis de se mentir les uns contre les autres. Et c'est ça ce qui arrive dans les partis politiques et dans les élections. Ils envoient des gens pour espionner qu'est-ce qui se passe dans l'autre parti, ou pour espionner qu'est-ce qui se passe de telle place, hein. Et puis de dire des mensonges contre les autres et d'inventer des choses contre les autres et des trucs de ce genre. Et il dit, ne soyez pas jaloux les uns des autres et ne compétitionnez pas les uns les autres pour la dunya, pour les trucs de dunya, pour les choses de la dunya, on n'a pas le droit. Mais de compétitionner dans le bien, dans les choses, dans le halal, ou dans le halal, c'est dans le sens dans la religion, comme par exemple dans l'apprentissage du Coran, dans l'apprentissage de la sunna, dans l'adoration, dans la générosité, dans les bonnes paroles. Compétitionner entre nous pour savoir qui va faire le plus de bien, oui, mais pas dans la compétition entre nous pour dire qui va avoir le plus d'argent, qui va avoir le plus de popularité, qui va avoir le plus de pouvoir, qui va avoir le plus de votes, qui va avoir le plus de trucs de ce genre. Ça, c'est pas permis pour nous, les musulmans, entre nous. Et de ne pas être jaloux les uns des autres, de ne pas se détester les uns les autres, dans le sens qu'on se déteste pour la dunya, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. On doit être comme des frères entre nous. Ça, c'est un hadith rapporté par Muslim, et il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi qui dit وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا. Ça veut dire la même chose, c'est-à-dire de chercher les informations qui ne sont pas apparentes, qui sont cachées au sujet des autres musulmans, d'essayer de trouver leurs défauts et leurs fautes. Hein. Ça, c'est pas permis. De même que, également, de ولا تنافسوا ولا تحاسدوا, de se compétitionner puis d'être jaloux les uns des autres, c'est-à-dire tu souhaites que le bien que l'autre a le perdre ce bien, hein, que toi par exemple, tu vois quelqu'un, un musulman qui a une belle voiture, tu dis ah, tu es jaloux de lui, tu souhaiterais qu'il perde sa belle voiture, et tu dis pas mashallah, hein. Donc ça, c'est des exemples de choses qui sont interdites, hein. Tu vois un musulman qui est au pouvoir, tu es jaloux de lui. Vous pouvez trouver un pays musulman, par exemple, ou quelqu'un qui est au pouvoir dans un pays musulman, il a des choses de bien, de la dunya, tout, tu dis, ah, je souhaiterais qu'il n'ait plus ça, ou qu'il ne soit pas ça. C'est pas permis. Et donc, ça, c'est des choses qui sont pas permises entre nous, les musulmans, et de se faire des compétitions pour la dunya et des trucs de ce genre, ça, c'est pas permis. Donc, il découle tout. ورد النهي عنه في الحديث الموجود في الأحزاب السياسية خصوصا وقت الانتخابات, فتجد كل حزب يظن بالحزب الآخر الشر, وتجد يتحسس الأخبار الغائبة التي توجد عند الحزب الآخر, وحتى يتم التشهير بعيبه ليحظى هو بالفوز في المعركة الانتخابية, وكذلك حب الانفراد بالسلطة, ويوجد عند الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية, فترى كل حزب يحرص جاهدا في التنافس على الحطام الثاني, ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il mentionne exactement ce que j'ai résumé tout à l'heure par rapport à tout ce qui est haram, du fait que tout ce qu'on a mentionné comme étant interdit dans le hadith, ben eux ils le font dans les élections. Après le cheikh il dit وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر بن عوف الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فأبشروا وأملوا ما يسركم الله, فوالله لا الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اللفظ للبخاري. C'est un hadith très très grand. Et qu'est-ce qu'il dit, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par Allah, ce n'est pas la crainte que je, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, Au contraire, je crains pour vous que cette dunya vous soit ouverte, comme elle a été donnée à ceux qui étaient avant vous, et que vous vous compétitionnez les uns les autres pour l'avoir, comme eux ils se sont compétitionnés les uns et ils se sont disputés les uns les autres pour l'avoir cette dunya, et qu'elle vous fasse périr comme cette dunya les a fait périr eux avant vous. Hein? Donc ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et selon Amr ibn Auf al-Ansari, et le cheikh dit قلت لقد تحقق ما خشيه علينا رسول الله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وتمثل ذلك في مثل المعارك الانتخابية فكل حزب ينافس ويحسد الحزب الآخر donc le chef il dit tout ça, ça c'est tout ce que le prophète Rasoul craignait pour nous, c'est arrivé dans les campagnes électorales. Et le chef il dit qu'ils se disputent tous le pouvoir et la chaise du pouvoir. Et des fois j'ai entendu par exemple des laïcs, comme par exemple Fatima Ouda Pépin, elle mentionne à chaque fois qu'elle passe à la radio ou à la télé ou dans le journal et qu'elle parle par exemple des islamistes, des partis religieux islamiques, politiques, elle les critique parce qu'elle dit qu'ils utilisent la religion pour avoir le pouvoir. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit. Ils utilisent la religion pour arriver à prendre le pouvoir. Le problème, c'est que elle, parce qu'elle est laïque et parce qu'elle fait partie d'un parti, le Parti libéral, qui est un parti de kuffar, dans un pays de kuffar, elle pense que le fait que ce soit pas un parti religieux, que ça justifie que elle peut ou que c'est correct de faire des élections et de chercher que son parti arrive au pouvoir. Hein? Pourquoi elle les critique? Déjà, parce qu'elle dit qu'ils cherchent à atteindre le pouvoir parce qu'ils utilisent la religion, et elle essaie d'utiliser d'autres choses, d'autres raisons pour arriver au pouvoir, mais le but c'est toujours d'arriver au pouvoir. Hein? Pourquoi? Hein? Les gens qui rentrent dans les élections et les partis et tout ça et qui font des campagnes et tout ça, c'est quoi leur but? C'est d'arriver au pouvoir, de prendre le pouvoir, parce qu'ils pensent tous qu'ils sont plus capables de diriger et qu'ils sont plus aptes à diriger que celui qui est au pouvoir. Et c'est obligatoire que quiconque est au pouvoir fait des erreurs. Et c'est obligatoire que quiconque est au pouvoir va avoir des manquements. Il n'y a personne qui est parfait. Donc c'est sûr que les personnes qui sont à l'opposition par rapport à ceux qui sont au pouvoir, ils vont toujours avoir des choses à critiquer. Et on voit toujours que ceux qui sont à l'opposition, c'est toujours eux qui chialent. Ils sont toujours en train de chialer et de dire des choses par rapport à ceux qui sont au pouvoir, de dire qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, pour animer l'opinion publique contre le pouvoir, le parti qui est au pouvoir, pour dire, regardez, ils vous ont promis ci, ils vous ont promis ça, ils vous ont dit ci, ils vous ont dit ça, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. Si vous votez pour nous aux prochaines élections, nous, on ne va pas faire comme eux, on va faire mieux et on ne va pas faire les erreurs qu'il faut et on va respecter nos paroles. Et quand ils prennent le pouvoir par la suite, on voit qu'ils sont pareils que ceux qui étaient là avant, même parfois pires. Hein? Et puis, c'est toujours comme ça, une roue qui tourne. Et des fois, les gens, hein, comme ici par exemple au Québec, j'ai remarqué ça, ils votent pour un parti, pas parce qu'ils sont d'accord avec ce parti-là, mais pour punir l'autre. Hein? Pour punir l'autre qui était là avant, parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de bien. Alors, ils disent, ah, ben vous nous avez joué un mauvais coup. Eh ben là, pour nous venger de vous, là, on va voter pour l'autre parti. Donc ça, c'est des votes de vengeance. C'est des exemples comme ça de qu'est-ce qui se passe entre les gens. Et le cheikh, il dit que, يدعون الإصلاح ويشاركون في مثل هذه الأمور المحرمة بل يستدلون لها بأدلة لا تنهض عند التحقيق ولا لأن يستدل بها على المقصود فيقعون لذلك في محذورين الأول التقول على الله بلا علم والمحذور الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضف إلى ذلك ما يقعون فيه من الكذب والدجل على بعضهم بعضا بالتالي الكذب على الناس والتضليل والخداع والتمويه عليهم وكل ذلك لأجل التفول إلى التوصل إلى السلطة وقد حذرنا الشارع الحكيم من كل هذه الأمور. Regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite. Il dit que ces gens-là, ils rentrent dans ces choses haram-là et par la suite, ils cherchent à utiliser des preuves de l'islam dans la charia pour essayer de montrer que c'est permis. Et en faisant ça, ils tombent dans deux grands péchés. Le premier péché, ils parlent à propos d'Allah sans science. Et ça, c'est quelque chose qui est haram sans aucun doute. Ils mentionnent le verset « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Le verset 33 dans sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne plein de péchés. Il dit Allah a interdit les fawahish, ce qui est apparent et ce qui est caché parmi les grands péchés. Le péché al-ithm ou al-bari, la transgression bighayri haqq, sans droit, hein, de façon injuste. أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا tu fais le shirk et que tu donnes des partenaires avec Allah et Allah n'a pas donné aucune autorité à ces choses-là que vous invoquez en dehors d'Allah et أن تقولوا على الله ما لا تعلمون et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance et il montre que c'est un parmi les grands péchés. Ensuite, il dit, et le deuxième péché qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils mentent à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, donc, selon Al-Mughira ibn Shu'ba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et yaqul man kazaba alayya muta'amidan, ou man kazaba, inna kaziban alayya laysa ka kazibi ahadin, laysa ka kazibi ala ahadin, man kazaba alayya muta'amidan, fal yatabawa maq'adahu, من النار رواه البخاري ومسلم. لشيخ donc il dit que ils ont menti à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Al-Mughira ibn Shu'ba il dit que le prophète qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait celui qui de mentir à mon sujet ou de mentir de dire des choses fausses à mon sujet ou de dire que j'ai dit des choses qui sont pas qu'est-ce que j'ai dit moi hein, tu mens à mon sujet. C'est pas comme si tu mentais à propos de n'importe qui parmi les hommes. Celui qui ment sur moi, c'est alors qu'il prépare sa chaise dans l'enfer. Qu'il prépare sa chaise dans l'enfer, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il y a des gens parmi ces gens-là, ils mentent à propos d'Allah, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent n'importe quoi à propos de l'islam, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la religion, à propos de la charia, tout ça dans le but d'arriver à leur but et de suivre leur passion. Et on a remarqué ça dans leur façon de présenter l'islam aux koufars dans les sociétés non musulmanes. Ils parlent aux koufars et ils disent aux koufars ce que les koufars veulent entendre et ils interprètent l'islam selon la façon dont pour que l'islam soit en accord soi-disant avec les fondements et les principes des koufars. Il déforme la réalité de la charia pour justifier ces idéologies-là que les koufars ont inventées et pour dire aux koufars, non, notre religion c'est la même chose que votre système, c'est l'islam, la démocratie c'est l'islam, hein, c'est ça ce qu'ils disent, la laïcité c'est l'islam, la démocratie c'est l'islam, donc vous devez pas, ils les appellent pas à accepter l'islam, ils leur disent, vous n'avez pas à me critiquer ou dire qu'on n'est pas bon, parce que notre religion c'est la démocratie. L'islam c'est la démocratie. La démocratie c'est l'islam. Ou bien un truc de ce genre. Donc au lieu d'appeler les non-musulmans à l'islam et de dire la vérité aux koufars, ils leur mentent pour leur faire plaisir, soi-disant, et puis ils tombent dans des mensonges contre Allah et contre son prophète. Le cheikh il dit, et rajoutons à ça le fait qu'ils mentent également les uns contre les autres, et donc ça c'est interdit, et ils égarent les gens, et ils les trompent, hein, ça c'est interdit aussi, tout ça pour arriver au pouvoir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit contre toutes ces choses-là, et il mentionne des hadiths qui montrent ça, le cheikh dit, « وَأَخْرَجَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث رواه الإمام مسلم selon عبد الله بن مسعود. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde au mensonge, car le mensonge amène à la perversité et au péché. Et le péché amène à l'enfer. Et une personne continue de mentir et se force à mentir jusqu'à ce qu'elle soit écrite comme étant un menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça montre que c'est grave le mensonge. Et ça, ça fait partie de leurs caractéristiques à ceux qui rentrent dans ces trucs de démocratie-là. Après le cheikh dit: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a rapporté dans un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: le signe d'un hypocrite il est de trois: lorsqu'il parle il ment, lorsqu'il promet quelque chose il manque à sa promesse, et lorsqu'on lui donne un gage ou qu'on lui fait confiance pour quelque chose il trahit son engagement. Et une autre narration dit: وفي رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. في rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit que Abdullah ibn Amr dit que le prophète صلى الله عليه وسلم dit: il y a quatre choses, si ces quatre choses-là, elles sont présentes dans un musulman, il est un pur hypocrite. Et s'il a une de ces quatre, alors il a une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la laisse. Et il mentionne que c'est lorsqu'on lui donne un gage, il trahit son gage, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il donne, une parole ou un serment, il trahit son serment. Et lorsqu'il dispute avec quelqu'un, il est vulgaire, il est impoli et vulgaire. Et donc après le cheikh il dit: ويتولد من هذا أيضا عن حب الرياسة تزكية النفس والتمادح بالباطل وكل ذلك مما نهى عنه الشرع الحكيم فمن تلكم الأدلة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الشيخ الزي également parmi les choses qui viennent du fait que quelqu'un se présente dans les élections, c'est qu'il se purifie et se glorifie lui-même et il se montre lui-même comme étant bon et il se fait glorifier de façon injuste et fausse, et tout ça c'est interdit dans notre charia. Et il mentionne les preuves, le verset 49 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: n'as-tu pas vu ceux qui se purifient eux-mêmes? Allah certes purifie qui il veut et personne ne sera lésé, pas du tout, personne ne sera du tout lésé. Et il mentionne le verset 32 dans sourate Al-Najm, l'étoile, qui dit: fala tuzakku anfusakum, ne vous purifiez pas vous-même, ne vous glorifiez pas vous-même, ne dites pas à propos de vous-même du bien. Comme certains par exemple qui disent: moi je suis un bon musulman, ou bien moi je suis pieux, moi je suis parmi les pieux. Il y a des gens parmi les musulmans parfois ils disent ça, tu parles avec eux, ils disent: non, moi je suis pieux, je suis un bon musulman. Ça c'est pas permis de dire ça, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est un pieux, qui est pas un pieux. Et si t'es pieux vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala il le sait, t'as pas besoin de le dire, hein. Et si tu mens aux gens, Allah sait la vérité, donc ça sert à rien. Et donc ça c'est ce que font les gens qui se présentent dans les élections. Et si c'est pas eux-mêmes qui se glorifient, si c'est pas eux-mêmes qui se glorifient, ils demandent à d'autres personnes de les glorifier ou de les vanter devant les gens. Et donc de se jeter des fleurs à eux-mêmes, ou bien demander aux autres de leur jeter des fleurs devant les gens. Et on va voir des exemples de ça. Le cheikh dit: وبيان أن المنتخب وبيان ذلك أن المنتخب إذا أراد أن ينتخبه الناس قام باستعراض بطولاته وأخذ يكلف من يقوم بتعليق الأوراق في الأماكن العامة التي تحتوي على صورته واسمه ورقم دائرته الانتخابية، وثم في آخرها قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. Donc le cheikh il dit que tu vois le fait que la personne se présente aux élections, hein, pour que les, il veut que les gens votent pour lui, alors il se présente en montrant tout ce qu'il a comme accomplissement, et comme il a comme tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a comme connaissance ou comme diplôme ou comme travail ou autre, et après il demande à quelqu'un de placer des pancartes pour lui dans la rue, hein, ou dans les endroits publics, pour montrer aux gens sa photo avec son nom et le parti pour lequel il est, et pour aller afficher ça dans la rue pour lui, pour que les gens puissent voir sa photo et connaître son nom et connaître qu'est-ce qu'il a pour que les gens votent pour lui, hein. Et donc ça fait partie de se vanter soi-même, et il mentionne parfois, le chef il mentionne le verset 88 dans Sourat Hud à la fin, et je ne veux que la réforme le plus que je peux, je ne souhaite que faire la réforme, et mon succès n'appartient qu'à Allah. Donc parce qu'il y a un parti au Yémen qui s'appelait parti des Ikhwan qui s'appelle Al-Islah, la réforme, et il mentionne ce verset là. Donc le chef il dit فأي إصلاح يحصل بارتكاب ما نهى الله عنه من تزكية النفوس والتصوير وكتابة الآيات القرآنية على تلك الأوراق الانتخابية وتعليقها على الجدران والممرات والمحلات التجارية هنا وهناك التي إن عاجلا أو آجلا ستسقط على الأرض وتوطئها الأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله فهل هذا من الإصلاح أم من الإفساد نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Le cheikh dit, quelle réforme peut-il y avoir lorsque vous faites ce que Allah a interdit? Vous purifiez vous-même, vous mettez vos photos, déjà ça c'est haram, hein, et aujourd'hui même à Montréal, tu vois les partis politiques au Canada, au Québec, ils amènent avec eux beaucoup de gens d'origine des pays musulmans, soit des gens de nord de l'Afrique ou du Moyen-Orient ou d'autres pays musulmans, d'origine des pays musulmans, pour attirer le vote des soi-disant minorités musulmanes, minorités visibles musulmanes, pour que les gens soient tentés de voter pour tel ou tel parti. Par exemple, si c'est le parti québécois, nationaliste, hein, eh ben, ils vont mettre des gens de différentes communautés, comme par exemple des communautés des Maghrébins, des communautés des Libanais, des communautés des autres, hein, Pakistanais ou autres, pour dire aux gens, votez pour nous. Regardez, on a des candidats de vos communautés, donc votez pour nous. Hein. Alors ces gens-là, ils appellent à une idéologie nationaliste. Et le nationalisme, c'est haram dans l'islam, et ça amène à s'allier et d'aimer les gens par rapport à leur origine ou leur langue, hein, quand c'est nationaliste basé sur la langue française ou des trucs de ce genre. Tout ça, c'est rejeté par l'islam. Et donc, des femmes qui sont musulmanes, qui mettent leurs photos dans la rue, sans hijab, hein, et qui se présentent devant les hommes, et qui serrent la main aux hommes, et qui parlent comme des hommes, hein, et qui disent qu'elles veulent soi-disant être des politiciennes. Ça c'est haram, tout ça. Et elles mettent leurs photos en plus. Et puis après, même des fois, elles veulent rentrer à la mosquée pour aller se présenter. Et ils ont fait ça à la mosquée Sunna, à la mosquée, hein. Ils ont amené une candidate pour le Parti québécois, est allée dans la mosquée, et il y avait un homme et une femme. Il y avait deux candidats pour deux différentes régions. Donc, l'homme, lui, il est rentré pour parler avec les hommes, et la femme est rentrée dans la section des femmes pour parler avec les femmes. Allah al-Musta'an. Donc, c'est égal, hein. Et je sais pas, je pense qu'il y avait ma mère qui était allée là-bas ce jour-là, je pense. Et elle m'a dit, ouais, il y a une femme qui est venue, elle nous a parlé, je sais pas si c'était après la prière de Jumu'ah ou je sais pas quoi. Puis elle a mis son petit foulard là, bien sûr, pour rentrer à la mosquée, parce que, soi-disant, pour respect pour la mosquée. Mais aussitôt que tu sors, bon, tu l'enlèves, tu jettes à la poubelle. Allah al-Musta'an. Donc c'est triste de voir ça, tu vois. Et il y en a même des filles voilées qui rentrent dans les élections. Hein. La fille, il y a l'épouse d'un des personnages publics maintenant qui est devenu célèbre au Canada, je ne vais pas dire son nom, mais c'est juste pour vous dire qu'il a eu des problèmes, puis là, le Canada l'a remboursé largement. Et sa femme, elle a mis sa photo dans la rue pour participer aux élections avec son hijab, soi-disant. Donc, c'est juste pour dire, c'est pas un hijab islamique, bien sûr, mais bon, c'est des choses qu'il présente aux gens pour montrer, regardez, les femmes musulmanes sont actives en politique, puis elles participent à la société et des trucs de ce genre, et tout ça c'est batil, bien entendu, c'est contraire à l'islam. Donc, le cheikh il dit tout ça c'est contraire à l'islam ce que vous faites, et le pire c'est qu'ils écrivent des versets de Coran sur la feuille, et ils disent que c'est sûr que ces feuilles-là vont tomber par terre à un moment donné, et quelqu'un va piler dessus, donc ils vont marcher sur les versets de Coran, ça c'est grave. Et après ils mentionnent des hadiths qui montrent que c'est pas permis pour quelqu'un de glorifier quelqu'un d'autre en sa présence. Et ah oui, il dit, est-ce que ça, il dit, voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, ça c'est grave tout ça. Et est-ce que ça fait partie de la réforme ou du désordre? Informez-moi avec science si vous savez, si vous êtes véridique. Nabbi'ouni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Après il dit, wa min al-nusus allati waradat an nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tabayyana tahrim al-tamaduh. Il y a des textes clairs dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que c'est interdit de glorifier quelqu'un et de chercher à se glorifier les uns les autres. Parce qu'il y a eu des élections à Montréal, quand il y a eu par exemple la campagne, ils cherchaient pour l'Algérie, ils cherchaient un représentant de l'Algérie en Amérique du Nord. C'est comme un député, quelqu'un qui va représenter les Algériens des États-Unis en Algérie. Puis il y avait une élection pour ça. Donc tu voyais tous les candidats algériens qui se présentaient là, dans la communauté, hein, puis dans le quartier de Saint-Michel, là, c'est de la mosquée d'Ar Abqam, on voyait toutes les pancartes partout dans les commerces algériens et tout. Tu voyais la photo d'un tel, des gens dans la communauté. Hein. Ils étaient tout en train de se présenter, puis ils faisaient des petites vidéos, puis ils allaient dans les radios communautaires, puis ils allaient dans les journaux communautaires aussi, puis ils allaient aussi dans les sites internet qui ont des émissions communautaires pour faire des entrevues, puis montrer ça, puis t'en retrouves encore même qui sont encore sur internet aujourd'hui. Là tu les voyais, certains qui allaient voir des personnes pour dire aux gens, pour leur dire par exemple, est-ce que tu peux faire un petit commentaire pour moi, pour dire qu'est-ce que tu penses de moi, puis des trucs de ce genre. Puis là t'en voyais qui parlait, qui disait, ah oui, celui-là, il est bien, votez pour lui, je lui fais confiance et tout ça. Donc, ah, c'est grave. Hein. Il y en a même qui allaient voir des chanteuses. Alors, Moustahan. Donc, c'est pour vous dire. Le cheikh dit, wa fi sahihayn min hadith Abi Bakr, radiallahu anhu, قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه اللفظ واللفظ للبخاري. Donc dans Al-Bukhari Muslim, un hadith qui a porté sur Abi Bakr, il dit que le prophète, un homme a glorifié une autre personne ou a mentionné les qualités d'une autre personne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère, tu as coupé le cou de ton frère. Il l'a répété plusieurs fois. Alors, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous doit dire du bien ou glorifier quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas le choix de le faire ou qu'il veut absolument le faire, alors qu'il dise, je pense qu'un tel est Allah, c'est lui qui va le juger, et je ne glorifie personne par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala, et je pense qu'il est ainsi et ainsi. Hein? si tu sais réellement que cette personne-là a ces qualités-là, tu dois dire ça. Okay? Hein? Je pense qu'il est ainsi, je pense qu'il a cette qualité-là, mais Allah, c'est lui qui va le juger, et je ne veux pas glorifier quelqu'un par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tu dis ce que tu as à dire, ça c'est les paroles de Al-Bukhari. وأخرج أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلكتم وقطعتم ظهر الرجل. اللفظ للبخاري. أبو موسى الأشعري il a rapporté également que le prophète, qu'il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم, ou bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui disait du bien, ou qui glorifiait, ou qui mentionnait les qualités d'un autre homme, et qui exagérait dans sa glorification. Alors il a dit, vous avez fait périr cet homme, ou bien vous avez coupé le dos de cet homme. Et ça c'était dans les paroles de Al-Bukhari. Donc ça c'est un hadith également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est les paroles de l'imam Al-Bukhari, ou c'est la version de Al-Bukhari. Après il dit, « Wa akhraja Muslim, l'imam Muslim, min tariqi Hammam ibn al-Harith, annahu qal, inna rajulan ja'ala yamdahu Uthman, fa'amida al-miqdad, fajasa ala rukbatayh, wa kana rajulan dakhman, faja'ala yahsi fi wajhihi al-hisba. فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه ابن ماجه من حديث أبي معاوية وقال سمعت رسول الله, وأخرج ابن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح. دونك le dernier hadith que j'ai, l'avant-dernier hadith que j'ai mentionné, c'est le hadith rapporté selon l'imam Muslim, hein, c'est le hadith de Hammam ibn al-Harith. Il dit qu'un homme a commencé à glorifier Othman. Et donc, Al-Miqdad, il s'est levé, il s'est mis sur ses genoux, et il a, il dit que c'était un homme très grand. Donc, il s'est mis à lancer je sais pas, des pierres ou des choses. La poussière ou du sable sur son visage. Alors Othman lui a dit, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Il dit, j'ai entendu, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez des gens qui glorifient trop les autres, lancez-leur de la poussière au visage. Et ça c'est un exemple de à quel point les sahaba prenaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. Hein? Ils prenaient du sable, de la poussière, du sable. Ouais. Donc ils prenaient, il a pris ça, il lançait au visage. Et c'est pour dire, il l'a fait réellement. Hein? Aujourd'hui, il essaie de faire ça à quelqu'un. Allah Musta'an. Parce que les gens ne connaissent pas la sunna. Mais Othman, il s'est pas fâché, il a dû demander, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Parce que c'est bizarre, il ne comprend pas. Et l'autre lui a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, lancez-lui de la poussière au visage. Et alors il l'a fait, et quand il a dit ça, ça y est, il a accepté, parce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il mentionne un autre hadith qui est apporté selon l'imam Ibn Majah, et il est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Et ce hadith-là c'est « Iyakum al-tamaduh » et dit « Prenez garde à vous glorifier ». Hein, vous glorifiez de cette façon-là les uns les autres, parce que c'est comme si vous vous égorgez les uns les autres quand vous faites ça. Et donc on voit à quel point c'est grave et que ça amène du mal de faire ça. Et c'est ça ce qui se passe dans les, comme je vous ai dit, dans les élections. Hein, que des gens parfois, ils vont se présenter et ils vont pas se glorifier eux-mêmes parce que c'est la honte, hein, ils savent que c'est la honte. Donc ils vont demander aux gens de dire aux autres le bien qu'ils savent de cette personne-là. Et donc ils vont commencer à dire, ah oh, oui, celui-là, il est comme ci, il est comme ça, hein, je le respecte, je le supporte et tout, et votez pour lui, et il est ingénieux, il est ci, il est ça, il a aidé la communauté, il a fait ça, il a fait ça. أعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.